La Corée renforce des affaires de protection des handicapés. Selon la politique populaire de l'État, les droits sociopolitiques et intérêts des handicapés sont assurés juridiquement et ils participent dans diverses activités sociales. La Fédération de la protection des handicapés de Corée assure tous les environnements et conditions de vie plus stables et favorables aux handicapés à travers des aides, activités de défense et propagande ainsi que la presse. Elle assure également les conditions nécessaires pour qu'ils puissent jouir de la vie culturelle et esthétique à travers les activités sportives et artistiques et participer dans les travaux sociaux. Et l'interface du homepage internet Espoir est renouvelée pour gestion normale pour augmenter l'intérêt social aux handicapés. Elle dynamise les échanges et collaborations multilatérales avec des institutions internationales et des formations des handicapés de divers pays.